Le testament de John Marchmont par Elizabeth Braddon. Tome 1er, chapitre 1er, L'homme à la bannière. L'histoire d'Edward Arundel, second fils de Christopher Arundel, Dangerfield Arundel, de Dangerfield Park, Devonshire, commença par une certaine soirée d'hiver où le jeune homme, encore écolier, fut avec son cousin, Martin Mostyn, assister à la représentation d'une tragédie en vers blanc à l'un des théâtres de Londres. Il y a peu d'hommes qui, en jetant un regard en arrière sur la longue histoire de leur vie, ne puissent retrouver dans les souvenirs du passé une page où a commencé l'histoire de leur vie actuelle. La page peut se rencontrer au milieu du livre, peut-être, ou peut-être encore presque à la fin. Mais quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle n'en est pas moins, en somme, le commencement réel. À une heure déterminée dans l'existence de l'homme, l'ouverture qui se jouait depuis qu'il était au monde finit tout à coup au bruit perçant de la sonnette du souffleur, la toile se lève et le drame de la vie commence. Les premières scènes de la pièce sont quelquefois insignifiantes, communes, banales, ennuyeuses, mais suivez-les attentivement, et dans chaque mot, dans chaque action, vous reconnaîtrez la main toute puissante de la destinée. L'histoire a commencé. Nous pouvons déjà, nous, les spectateurs, deviner vaguement l'intrigue et prévoir la catastrophe. Il n'y a que les acteurs qui ne comprennent rien à l'ensemble de leurs différents rôles et ne se préoccupent pas du tout de la scène finale déjà pressentie. L'histoire de la vie du jeune Arundel commença à l'époque où il était un tout jeune homme de 17 ans, au cœur gai et insouciant, tout frais échappé pour quelques jours seulement, de la férule de ses maîtres et de ses protecteurs naturels. Le jeune homme était venu à Londres passer les fêtes de Noël chez la sœur de son père, veuve douée d'une bonne nature, mère d'un grand nombre de garçons et de filles, et tout juste assez riche pour se donner les apparences de fortune exigées par l'orgueil de famille des Arundel de Dangerfield. Le roi Arundel avait épousé un colonel Mostyn, au service de la Compagnie des Indes orientales, et était revenu de l'Inde après quelques années d'une vie errante, laissant derrière elle son mari mort et ramenant 5 filles et 3 fils, nés pour la plupart sous la tente. Miss Mostyn endura ses peines bravement et parvint à tirer de sa pension et d'un petit revenu à elle de 300 livres par an plus de profit que n'en eût peut-être retiré la plus habile des ménagères. Sa maison dans Montauk Square était élégamment meublée. Ses filles étaient mises au dernier goût, ses fils très bien élevés et ses dîners parfaitement ordonnés. Elle n'était pas une femme agréable. Elle était peut-être même un peu trop sensée, tellement sensée qu'elle ne pouvait supporter chez les autres tout ce qui ressemblait à de la folie. Elle était bonne mère, mais pas du tout indulgente. Elle comptait que ses fils feraient leur chemin et que ses filles se marieraient richement, et tout désappointement au sujet de ses espérances raisonnables l'eût trouvée fort peu patiente. Elle était attachée à son frère Christopher Arundel et l'allait volontiers passer la saison d'automne à Dangerfield, où les déjeuners de chasse fournissaient à ses filles une excellente occasion d'exhiber leur charme négligé et leur grâce sociale et domestique, peut-être plus dangereuse pour les cœurs inflammables des riches jeunes squires que les fascinations d'une valse à 2 temps ou d'une scène italienne. Mais cette même Mrs. Mostyn, qui n'oubliait jamais d'entretenir sa correspondance avec le maître de Dangerfield Park, ignorait complètement l'existence d'un autre frère, un certain Hubert Arundel, qui avait peut-être plus grand besoin de son amitié de sœur que le riche squire du Devonshire. Dieu sait combien le monde paraissait désert à ce jeune frère, qui avait été enlevé pour entrer dans les ordres et avait dû se contenter d'une misérable cure dans l'une des plus tristes et des plus humides villages du marécage de Lincolnshire. Sa sœur aurait pu très facilement rendre la vie plus agréable au recteur de Swampington et à sa fille unique, mais Hubert Arundel était trop fier pour lui suggérer cette idée. S'il plaisait à Mrs. Mostyn de l'oublier, le frère et la sœur avaient été jadis grands amis et bons compagnons sous les hêtres de Dangerfield, elle en avait bien le droit. Elle était plus riche que lui, et il faut remarquer que si les revenus de A sont de 300 livres par an et ceux de B de 1000, il y a 7 chances contre 3 pour que B oublie l'intimité qui a pu exister autrefois entre A et lui. Hubert Arundel avait été un étudiant étourdi, il avait apposé sa signature au bas d'un si grand nombre de billets par lesquels il reconnaissait avoir reçu en entier ce qu'il n'avait effectivement reçu qu'à moitié, que lorsqu'il eut contenté tous les détenteurs de ces horribles morceaux de papier timbré, son argent était épuisé, et il ne lui resta plus, de toute la fortune qu'il avait possédée à un moment, que quelques fusils achetés chez les armuriers en renom, bon nombre de fleurets, de cannes, de gants à boxer, de masques en fil de fer, de casques en forme de panier à salade, de guêtres en cuir, et autres biens parafernaux, tels que la collection complète du Sporting Magazine, depuis 1792 jusqu'à l'époque actuelle, reliée en maroquin rouge. Quelques boîtes de mauvais cigares, un terrier d'Écosse et un tonneau de Porto impossible à boire. De tous ces objets, le tonneau de Porto était le seul maintenant qui put prouver que Howard Arundel avait eu jadis la modeste fortune d'un fils cadet et qu'il avait réussi à merveille à l'éparpiller un peu partout. Les pauvres de Swampington avalaient avec confiance le vin rouge douceâtre qui avait été fabriqué pour l'usage spécial des Israélites trafiquant en bijoux, cigares, tableaux, vins et espèces sonnantes. Ils faisaient claquer leur langue en dégustant le liquide mystérieux et affirmaient sans hésiter que cela leur faisait plus de bien que toutes les drogues que pouvait envoyer le docteur apothicaire de la paroisse. Le pauvre Robert Arundel était très content de voir qu'il avait du moins récolté quelque chose de sa semaille de pièces de 100 sous à Cambridge. Le vin plaisait aux pauvres diables qui le buvaient et ne pouvait pas leur faire grand mal. Il y avait donc tout lieu de croire que la dernière bouteille ne tarderait guère à sortir des caves de la cure, emportant avec elle le dernier souvenir d'un passé amèrement regretté. Je ne doute pas que Robert Arundel ne fût vivement piqué de la négligence de son unique sœur, et qu'il ne ressentit l'insulte comme seul peut la ressentir un homme pauvre et fier. Mais jamais il ne laissa percer ce qu'il éprouvait, et quand Mrs. Mostyn, un jour où lui prit la fantaisie de rendre service à ce frère oublié, lui écrivit une lettre de conseil insolent, qui se terminait par l'offre de trouver à sa fille une place de gouvernante de nursery, le recteur de Swampington se contenta de froisser la missive dans sa main nerveuse et de la jeter au feu avec une exclamation de colère qui ressemblait terriblement à un juron. « Une gouvernante de nursery » répéta-t-il avec fureur. « Oui, une misérable servante mal payée, qui enseigne l'ABC aux enfants, raccommode leurs jaquettes et fait leur tablier. Je vois bien que Mrs. Mostyn causa une demi-heure avec ma petite Livy. Au bout de ce temps, elle serait, je crois, si bien battue sur tous les points que nous n'entendrions plus parler de gouvernante de nursery. » Il sourit amèrement en répétant cette phrase odieuse, mais son sourire se changea en un soupir. Était-ce étrange que le père soupira, en se souvenant qu'il avait vu la mort frapper tout à coup des hommes plus jeunes et plus forts que lui? S'il venait à mourir en laissant sa fille unique non mariée, que deviendrait-elle avec les charmes dangereux qu'elle possédait, avec son fatal douaire de beauté, d'intelligence et d'orgueil? Mais elle ne ferait jamais le mal, pensa le père. Ses principes religieux seraient assez forts pour la maintenir dans la bonne voie, en dépit de toutes les tentations. Le sentiment du devoir était chez elle bien plus puissant que tous les autres. Elle ne s'écarterait jamais du devoir, non, jamais. En retour de l'hospitalité de Dangerfield Park, Mrs. Mostyn avait l'habitude de recevoir chez elle Christopher Arundel ou ses deux fils, quand il plaisait à l'un des trois de venir à Londres. Il va sans dire qu'elle aimait infiniment mieux voir Arthur Arundel, le fils aîné et l'héritier, assis à sa table, parfaitement dressé et faisant la cour à l'une de ses jolies cousines, que d'être ennuyé par son frère cadet, garçon de 17 ans, très bruyant et tapageur, qui n'avait d'autre avenir devant lui qu'un brevet d'officier au service de Sa Majesté et 150 livres par an de supplément à sa solde. Mais elle n'en mit pas moins beaucoup de bonne grâce à inviter Edward à venir passer les fêtes de Noël dans sa confortable maison, et ce fut ainsi qu'il arriva que le 29 décembre 1838, l'histoire de la vie d'Edward Arundel commença dans une loge du théâtre de Drury Lane. La loge avait été envoyée à Mrs. Mostyn par l'élégant éditeur d'un journal élégant. Mais cette dame et ses filles étant déjà engagées pour la soirée, il fut permis aux jeunes gens de bénéficier du privilège de l'éditeur. La tragédie était l'œuvre endormante d'un amateur littéraire distingué, et le grand acteur lui-même, qui jouait le principal rôle, ne pouvait donner de charme à la pièce. Il ne réussit pas à faire beaucoup d'impression sur Edward Arundel, qui se renversa sur sa chaise et bâilla à se décrocher la mâchoire pendant les premières scènes. « Ce n'est pas extraordinairement gai, Martin, » dit-il naïvement, « si nous allions manger quelques huîtres en attendant que la pantomime commence. » « Maman m'a fait promettre que nous ne sortirions d'ici que pour rentrer, Ned, » répondit son cousin, « et nous devons revenir tout droit à la maison en voiture. » Edward Arundel soupira. « Je voudrais bien être venu qu'au moment où l'on ne paye plus qu'à moitié place, » dit-il avec ennui. « Si j'avais su que c'était une tragédie, je ne me serais pas tant pressé de quitter le square. » »« Je me demande pourquoi on écrit des tragédies puisque personne ne les aime. » Il tourna le dos à la scène et croisa les bras sur le coussin en velours de la loge pour se disposer à passer en revue tout l'auditoire. Peut-être aucune figure plus brillante que celle du jeune homme de la loge ne fut-elle tournée ce soir-là vers le grand lustre qui étincelait. Ses yeux bleus candides avaient plus d'éclat que pas une des mille lumières qui brillaient dans le théâtre. Son front blanc et large resplendissait sous le nombre de ses beaux cheveux dorés. La santé, le bonheur, la franchise, l'honnêteté, la vivacité et le courage d'un jeune lion étaient exprimés dans son sourire sans contrainte et dans son regard franc, quoique à demi provocateur. Ce jeune homme de 17 ans avait avant tout l'air de ce qu'il était réellement, un vrai gentleman. Martin Mostyn était affecté, efféminé, précocement ennuyé de la vie et précocement indifférent à tout, excepté à ses intérêts. Mais la causerie de l'enfant du Devonshire gardait encore le frais parfum de la jeunesse et de l'innocence et la gaieté insouciante de la première jeunesse. Il attendait l'ouverture bruyante de la pantomime et les légions brillantes de fées en jupons pailletés avec autant d'impatience que le plus invétéré des cockneys qui frottent pour le rafraîchir leur nez camu contre la rampe en fer de la galerie. Il était tout aussi disposé à tomber amoureux de la beauté au blanc de ses ruses des jeunes filles du ballet mal payées que le plus naïf des enfants dans la foule immense autour de lui. Dans toute sa fraîcheur, sans souillure, sans soupçon, il contemplait l'avenir avec le désir de se fier à tout le monde et de croire en toute chose. « Comme vous êtes remuant, Edward, » murmura Martin Mostyn d'un ton de mauvaise humeur. « Pourquoi ne regardez-vous pas la scène? C'est très amusant. Amusant. Oui, ce n'est pas la tragédie dont je veux parler, mais des comparses. Avez-vous jamais vu de votre vie une pareille agglomération d'individus? Il y a là un homme à jambes tremblantes qui porte une lourde bannière et que je regarde depuis le commencement. À lui seul, il est plus comique que tout le reste ensemble. » M. Mostyn, étant évidemment beaucoup trop poli pour désigner du doigt l'homme en question, le montra par un léger froncement de sourcils, et Edward Arundel, suivant cette indication, distingua le porteur de bannière au milieu d'un groupe de soldats en costume du Moyen-Âge qui se tenait sur un côté du théâtre pendant un long dialogue confidentiel entre le héros princier de la tragédie et l'un de ses satellites. Le jeune homme poussa un cri de surprise en apercevant le porteur de bannière aux jambes tremblantes. M. Mostyn se tourna vers son cousin d'un air de contrariété. « À ma foi, cela m'a échappé, Martin, » s'écria le jeune Arundel. « Je ne crois pas me tromper. »« Oui. » »« Pauvre diable. Dire qu'il en est arrivé là. » »« Vous n'avez certainement pas oublié, Martin. » »« Oublié qui? Oublié quoi? Mon cher Edward, que voulez-vous dire? John Marchmont, le pauvre diable qui nous enseignait les mathématiques chez Vernon. Ce professeur que le maître de pension renvoya parce que... Eh bien, qu'y a-t-il à propos de lui? Mais c'est lui qui porte la bannière, » s'écria le jeune homme, se penchant vers son interlocuteur. « Ne le voyez-vous pas, Martin? Ne l'avez-vous pas reconnu? C'est Marchmont, le pauvre vieux Marchmont, que nous faisions endiabler, et que le maître de pension renvoya parce qu'il avait une toux chronique et n'était pas assez fort pour le travail qu'il avait à faire. « Oh oui, je me le rappelle fort bien, » répondit M. Mostyn avec indifférence. « Personne ne pouvait supporter sa toux, vous savez, et par-dessus le marché, c'était un personnage fort commun. » « Il n'était pas commun du tout, » dit Edward avec indignation. « Bon, voilà la toile qui tombe encore. » Il appartenait à l'une des meilleures familles du Lincolnshire, et il était l'héritier présomptif d'une immense fortune. Je le lui ai entendu dire plus de 20 fois. Martin Mostyn n'essaya pas de réprimer le sourire de dédain involontaire qui plissa ses lèvres pendant que son cousin parlait. « Oh, je ne doute pas le moins du monde que vous le lui ayez entendu dire, mon cher cousin, » fit-il d'un ton moqueur. « Ah, et c'était vrai !» s'écria Edward. Il n'était pas homme à mentir, et peut-être aurait-il plus d'avantage à M. Vernon s'il avait eu ce travers. Il avait une mauvaise santé, il était faible, et que sais-je encore, mais il n'était pas vantard. Il m'a montré un jour un cachet armorié qu'il portait d'habitude à sa chaîne de montre. Une chaîne en argent, dit M. Mostyn avec dédain, absolument comme celle d'un charpentier. Ne soyez pas si arrogant, Martin. Il était très bon pour moi, le pauvre Marchmont. Je sais que je l'ennuyais terriblement, le pauvre diable, car je ne pouvais pas mordre à Euclide. Je suis fâché de le voir ici. Quelle occupation pour lui, Martin. Je parais qu'il ne doit pas gagner à ce métier plus de 9 ou 10 shillings par semaine. 1 shilling par soirée, c'est, je crois, le salaire ordinaire d'un soldat de théâtre. Les faux soldats, comme vous voyez, sont payés tout autant que les véritables. Les défenseurs de notre pays risquent leur vie à peu près pour la même somme. Où allez-vous, Ned ? Edward Arundel avait quitté sa place et essayé d'ouvrir la porte de la loge. Voir si je puis parler à ce pauvre diable. Vous persistez donc à soutenir que l'homme aux jambes tremblantes est notre ancien professeur de mathématiques. Après tout, cela ne m'étonnerait pas. Le gaillard a toussé pendant les 5 actes, et c'est bien là le genre de Marchmont. Vous n'allez pas sans doute renouer connaissance avec lui. Mais le jeune Arundel venait de réussir à ouvrir la porte, et il sortit de la loge sans répondre à la question de son cousin. Il se fraya rapidement passage vers la sortie du théâtre et joua des coudes adroitement parmi la foule qui encombrait les portes du parterre et des galeries jusqu'à ce qu'il fût arrivé à l'entrée des coulisses. Il avait souvent regardé ces portes sombres avec une curiosité respectueuse, mais il n'avait jamais essayé d'en franchir le seuil. Le gardien de ce paradis théâtral, habité par des fées à 1 guinée par semaine et des vassaux de barons à 1 shilling par soirée, est d'ordinaire un individu inflexible qui sait résister à toute persuasion morale et qui se laisse à peine corrompre par l'influence toute puissante de l'or ou de l'argent. La demi-couronne du pauvre Edward ne fit aucun effet sur le rigide portier, qu'il remercia de son cadeau en lui déclarant que c'était tout à fait contraire à ses ordres de laisser monter quelqu'un. « Mais j'ai besoin de voir quelqu'un en particulier, » dit le jeune homme à la hâte. « Ne pourriez-vous me venir en aide pour cela ? C'est un de mes vieux amis. » Un de mes comparses. Il portait une bannière dans la tragédie. Il a une toux affreuse, le pauvre diable. L'homme qui portait la bannière dans la tragédie, qui a une vilaine toux, dit le portier réfléchissant. Mais ce doit être, je pense, Barking Jeremiah. Barking Jeremiah ? Oui, monsieur. On l'appelle Barking parce qu'il tousse constamment, et Jeremiah parce qu'il gémit sans cesse. Ah, je n'ai jamais vu de ma vie un particulier comme celui-là pour se plaindre. Oh, faites-le-moi voir. S'écria M. Edward Arundel. Je sais que cela ne dépend que de vous. Rendez-moi donc ce service, je vous en prie. C'est un de mes amis, et un vrai gentleman, je vous assure. Il n'y a pas de problème mathématique qu'il ne puisse résoudre, et il héritera d'une fortune un de ces jours. Oui, interrompit le portier d'un ton moqueur, je sais cela. On le plaisante à ce sujet dans les coulisses. Il dit sans cesse qu'il est gentleman, qu'il a le droit de fréquenter les gentlemen, etc., etc. Mais vous êtes bien le premier qui soit venu demander après lui. Et je puis le voir, n'est-ce pas ? Je vais faire de mon mieux, monsieur. Ici, Jim, dit le portier, s'adressant à un enfant malpropre, qui venait de clouer l'affiche annonçant la répétition du lendemain sur une porte battante qui pinçait les doigts des visiteurs non initiés. Comment se nomme le comparse qui tousse si drôlement, celui qu'on a surnommé Barking ? Oh, c'est Mortimer que vous voulez dire. Savez-vous s'il figure dans le premier tableau ? Oui. Il remplit un rôle de démon. Mais le tableau est terminé. Avez-vous besoin de lui ? Vous pouvez lui porter la carte de ce gentleman et lui dire de descendre s'il a un moment de répit, ajouta le portier. M. Arundel tendit sa carte à l'enfant malpropre. Oh, il va s'empresser de venir vers moi, le pauvre diable, se dit-il. Je ne le tourmentais pas tant que les autres et je n'en suis pas fâché maintenant. Edward Arundel ne pouvait oublier facilement ce que lui avait révélé le rapide regard par lequel il avait reconnu la figure rusée du professeur qui lui enseignait les mathématiques 2 ans auparavant. Y avait-il rien de plus triste à voir que ce dégradant spectacle ? Le corps affaibli pouvait à peine supporter cette misérable bannière en calicot et en clinquant d'un côté seulement. Les joues creuses étaient grossièrement barbouillées de vermillon. Les sourcils étaient remplacés par du noir de fumée. Une touffe de poils de cheval collée sur le menton tenait lieu de barbe. Et les grands yeux bleus sympathiques auxquels la maladie donnait un éclat surnaturel semblaient dire perpétuellement bien mieux que des paroles « Ne me regardez pas, ne me méprisez pas, n'ayez pas même pitié de moi, cela ne durera pas longtemps. » L'écolier au cœur compatissant songeait encore à tout cela, quand une main amaigrie s'appuya légèrement et en tremblant sur son bras, et en levant les yeux, il vit à côté de lui un homme recouvert d'un masque hideux et d'un costume collant en toile écarlate et or. « Je vais ôter mon masque tout à l'heure, Arundel, » dit une voix faible sortant d'une caverne de carton et d'osier. « C'est très bien à vous d'être venu me voir. Vous êtes bon, très bon. » « J'étais fâché de vous trouver ici, Marchmont. Je vous ai reconnu tout de suite malgré votre déguisement. » Le comparse était parvenu pendant ce temps à se débarrasser de son énorme coiffure et il déposa l'appareil en papier mâché et en brocatelle sur une étagère. Il s'était lavé la figure avant de mettre son masque car il n'avait plus à reparaître devant le public sous son costume guerrier. Sa figure pâle et amaigrie était intéressante et fine. Elle n'avait rien de beau, mais elle était presque féminine par sa douceur d'expression. C'est la physionomie d'un homme qui n'a pas encore 30 ans et qui n'y arrivera peut-être jamais, se dit tristement Edward Arundel. « Pourquoi faites-vous ce métier, Marchmont ? » demanda brusquement le jeune homme. « Parce que je ne puis en faire un autre, » répondit le démon avec un triste sourire. « Je ne puis entrer comme professeur dans une institution parce que ma santé ne me le permet pas, ou plutôt parce qu'elle ne permet pas à un maître de pension de m'occuper, de peur que je ne lui reste à charge en tombant malade. Je me tire donc d'affaire aussi bien qu'il m'est possible, en faisant des écritures et venant chaque soir à ce théâtre. Cela ne m'inquiéterait guère si ce n'était à cause de... » Il s'arrêta tout à coup. Un accès de toux lui coupa la parole. « Si ce n'était à cause de qui, cher ami ? De ma pauvre petite fille, ma petite Marie, qui n'a plus de mère. » Edward Arundel devint sérieux et peut-être un peu honteux de lui-même. Il ne se souvenait que maintenant que son vieux professeur était resté veuf à 24 ans avec une petite fille à nourrir sur son maigre salaire. « Ne vous découragez pas, Marchmont, » dit le jeune homme avec tendresse. « Je pourrais peut-être vous venir en aide. La petite fille viendra d'Angerfield. Je sais que ma mère ne refusera pas d'avoir soin d'elle jusqu'à ce que vous soyez redevenu fort et bien portant. Et alors, vous montrez une salle d'armes, un tir au pistolet ou quelque chose de ce genre au West End. J'irai chez vous. J'amènerai une foule de jeunes gens, et vous réussirez à merveille, soyez-en sûr. » Le pauvre John Marchmont, le comparse asthmatique, était peut-être la dernière personne au monde qu'il fût possible de s'imaginer tenant en main une paire de fleurets ou un pistolet, mais il sourit faiblement à l'enthousiasme de son ancien élève. « Vous avez toujours été un brave garçon, Arundel, » dit-il gravement. « Je ne suppose pas que je vous demanderai jamais de me rendre service. » Mais si plus tard c'est tout m'emporte et que ma petite Polly reste seule, je pense que vous décideriez votre mère à être bonne pour elle. N'est-ce pas que vous feriez de votre mieux pour cela, Arundel ? » Un tableau se déroula devant les yeux fatigués du comparse pendant qu'il parlait ainsi, et ce tableau représentait une dame d'un aspect agréable dont le portrait lui avait été fait bien souvent par un fils aimant, une vieille demeure irrégulière, de vastes pelouses et de longues avenues de chênes et de hêtres au bout desquelles se montrait le ciel bleu. Si cette Mrs. Arundel, qui était si tendre, si compatissante et si douce pour toutes les jeunes paysannes aux joues rosées qu'elle rencontrait sur son chemin, Edward le lui avait dit souvent, allait prendre aussi en pitié sa pauvre petite fille. Si elle allait condescendre à voir l'enfant, la pauvre fleur pâle et négligée, le lys frêle, la plante exotique délicate qui était si déplacée sous les tristes sentiers de la vie. « S'il n'y a que cela qui vous inquiète, » s'écria le jeune Arundel précipitamment, « vous pouvez vous tranquilliser et venir avec moi manger quelques huîtres. Nous aurons soin de l'enfant. Je l'adopterai. Ma mère en aura soin. Elle l'élèvera et elle lui fera épouser un duc. Retournez changer d'habit et venez manger des huîtres et boire un verre de bière. » M. Marchmont secoua la tête. « Je n'ai pas le temps. Je figure dans le tableau suivant. C'est très bien à vous d'être venu, M. Arundel, mais ce n'est pas précisément votre place. « Retournez vers vos amis, mon cher garçon, et ne songez plus à moi. Je vous écrirai quelques jours au sujet de Marie. »« Pas du tout, » s'écria le jeune homme. « Vous allez me donner votre adresse immédiatement et j'irai vous voir demain matin. Vous me présenterez à la petite Marie. Et si nous ne devenons pas les meilleurs amis du monde, je ne me flatterai plus d'avoir du succès auprès du beau sexe. Quel est le numéro de votre maison, mon cher Marchmont ?» M. Arundel avait tiré de sa poche un petit portefeuille en maroquin et un petit porte-crayon en or. « Numéro 27, Oakley Street, Lambeth. Mais j'aimerais mieux que vous ne vinssiez pas, Arundel. Vos amis ne trouveront pas cette visite de leur goût. Que mes amis aillent se pendre s'ils le veulent. » Moi, je fais ce qui me plaît, et demain je déjeunerai avec vous à 10 heures précises. » Le comparse n'eut pas le temps de faire de nouvelles observations. La musique qui s'entendait faiblement du couloir où avait lieu la conversation lui annonçait que le tableau tirait à sa fin. « Je ne puis rester plus longtemps avec vous. Retournez vers vos amis à Arundel. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. » « Attendez, encore un mot. L'héritage du Lincolnshire. » « Ne sera jamais pour moi, mon cher ami, » répondit tristement le démon à travers son masque qu'il avait repris. « J'ai essayé de vendre mon droit de réversion, mais les Juifs m'ont presque ri au nez en m'entendant tousser. Bonne nuit. » Il disparut et la porte battante se referma sur Edward Arundel. Le jeune homme revint auprès de son cousin qui était mécontent de son absence. Martin Mostyn avait découvert que les danseuses du corps de ballet étaient vieilles ou laides, que la musique était mal choisie, la pantomime stupide et les décors pitoyables. Il adressa quelques questions dédaigneuses au sujet de son ancien professeur, mais il écouta à peine les réponses d'Edward et fut tout à fait vexé de l'entêtement de son compagnon à assister à la scène comique tout entière, où le pauvre John Marchmont paraissait et disparaissait tantôt comme un passant bien mis portant un paquet qu'il sacrifiait résolument au penchant rapace du clown, tantôt comme un policeman, un barbier, un chimiste, un fantôme, mais toujours souffleté, cajolé, décoiffé et trompé, toujours piteux, misérable et souffrant, car ses bras lui faisaient mal après avoir porté une bannière pendant les 5 actes ennuyeux de la tragédie en verre blanc. Sa tête était comprimée sous le poids de son lourd édifice en carton et en brocatel. Ses yeux étaient fatigués par la fumée de la poudre et les feux de Bengale. Sa gorge était desséchée par les vapeurs sulfureuses et ses os étaient meurtris par les bourrades que lui administraient pour rire le clown et le paillasse. Et tous ses supplices lui étaient payés 1 shilling par soirée.